deuxième temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à la Fabrique de l'Information. Aujourd'hui, le documentaire. Il est signé Séverine Yatard et Thomas Duterre. Hier, nous avons écouté avec gourmandise l'historien Robert Danton nous raconter ce qu'était le système de l'information au XVIIIe siècle en France, juste avant la Révolution française. Demain, nous vous parlerons de la façon dont les souverains, et en particulier les cours de France, ont tenté de maîtriser l'information au XVIIe siècle. Et aujourd'hui, le documentaire nous raconte la forge d'un feuilleton médiatique, l'affaire Dieudonné. Il s'appelait Eugène Dieudonné et il fut enfermé au bagne sous l'accusation d'avoir participé à la bande à Bonneau. Interrogé par le grand journaliste Albert Londe dans les années 20 à Cayenne, il s'évada quelques années plus tard avant qu'une campagne journalistique ne le réhabilite et n'en fasse le sujet d'un véritable feuilleton du réel. C'est l'histoire que raconte le documentaire signé Séverine Yatard et Thomas Duterre jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin avec les analyses de Christian Delporte, Sophie Desmoulins, Dominique Khalifa et Frédéric Lavignette. Évasion du bagne de Dieudonné. Cayenne, 29 mars. Eugène Dieudonné, l'un des membres de la bande à Bonneau, condamné au bagne par le jury de la Seine, qui se trouvait depuis 1913 et qu'il mort noyé en s'enfuyant de la Guyane, s'est évadé. Où a-t-il réussi à gagner le Brésil? Le Petit Journal, 30 mars 1927. Telle est la nouvelle qui s'est répandue hier, et le ministère des colonies l'a confirmé en précisant simplement que l'évasion remontait au 6 décembre dernier. Soit à la nage, soit dans une primitive embarcation. L'Excelsior, 30 mars 1927. Le Petit Journal, 30 mars 1927. Nous étions partis à 7 de Cayenne, en tirant vers le Brésil. Eugène Dieudonné. Le cinquième jour, nous avions fait naufrage. Dans la nuit, nous nous sommes dirigés à tâtons vers la côte. Au bout d'une heure de ce travail, nous avons atteint un immense banc de vase d'un kilomètre. Là, il n'était plus question de nager. Nous nous sommes accroupis, nous avons avancé en jouant des coudes et des genoux pour ne pas être avalés. Au bout de plusieurs heures de ce travail inouï, nous avons enfin accosté dans les palétuviers. Nous avons passé le restant de la nuit perchés sur des toits de bois morts. L'affaire Eugène Dieudonné ou la fabrication d'un événement médiatique. La situation d'Eugène Dieudonné est toute prête à fasciner le public. Il y a tout cet intérêt autour du bagne, auquel seront consacrés quantité de reportages de l'entre-deux-guerres. Sophie Desmoulins. Et le bagne est vraiment au cœur du débat médiatique, social et politique de l'époque. Donc c'est vraiment cette évasion qui va devenir l'élément déclencheur d'une bataille médiatique entre les quotidiens. Le Petit Parisien, Le Petit Journal, Paris Soir, Le Matin, Le Journal ou l'Excelsior, toutes ces feuilles de la presse industrielle se livrent, au lendemain de la Première Guerre mondiale, une concurrence acharnée pour acquérir et fidéliser un public. Le traitement médiatique du cas Eugène Dieudonné va ainsi se déployer de manière foisonnante, selon diverses stratégies de publication et d'écriture, grâce à une plume, celle du grand reporter Albert Londres, qui rencontre le prisonnier au bagne en 1923. Eugène Dieudonné, supposé faire partie des bandits tragiques de la bande à Bonneau, est condamné à tort, aux travaux forcés, parmi les pires criminels dont la société se débarrassait à Cayenne. L'ébéniste qualifié, et proche des anarchistes, est accusé d'avoir participé au fameux hold-up motorisé de la rue Ordener, dont la presse va abondamment remplir ses colonnes. cet attentat s'est produit donc un jeudi 21 décembre 1911. Frédéric Lavignette. Un matin, aux alentours de 9h, un matin pluvieux, dans le quartier du 18e arrondissement. Et comme tous les jours, il y a un convoyeur de fonds qui vient du siège de la Société Générale pour apporter les devises qui sont nécessaires à la succursale de la Société Générale qui se trouve non loin, rue Ordener. À l'époque, on ne prenait pas autant de précautions qu'aujourd'hui. Ce convoyeur de fonds se rend sur place par le tramway. Et il descend donc à l'angle de la rue Ordener et de la rue d'Henri-Mont. Il traverse le passage pour piétons. Et là, il est rejoint par le guichetier pour simplement réaliser une centaine de mètres jusqu'à la succursale. Et lorsqu'ils font ce trajet, tous les deux, deux hommes s'approchent de ce convoyeur de fonds qu'on appelait à l'époque le garçon de recette. Il s'appelle Ernest Cabi, et un des hommes essaye de lui arracher sa sacoche, il résiste, donc l'autre, l'agresseur, utilise un revolver, lui tire dessus. Un deuxième, voyant son comparse sans difficulté, se rapproche et tire plusieurs coups de revolver. Donc le convoyeur s'affaisse sur la grille de l'arbre, et puis ces deux hommes, une fois qu'ils ont chopé leur butin, il remonte dans une voiture qui était garée à proximité, là, le long du trottoir, et le moteur était en marche. Et puis, la voiture s'enfile à travers les rues, passe par la rue Montcalm, et puis elle disparaît dans Paris. Et toutes les personnes qui ont assisté à cet événement sont saisies, mais sont incapables d'identifier le nombre de personnes qui étaient présentes dans la voiture, sont incapables de dire de quelle couleur elle était. Donc à partir de ces renseignements plutôt flous, la police ne parvient nullement à se mettre sur une piste quelconque, à avoir ne serait-ce que l'idée de l'identité de ces agresseurs-là. On pourrait dire que c'est l'acte inaugural de l'épopée de la bande à Bono. Attentat, rue Ordener, 22 décembre 1911. Un incroyable acte de banditisme en plein jour, en plein un garçon de recette attaqué à 9h du matin, les malfaiteurs ont blessé un encaisseur à coups de revolver. Après l'avoir dépouillé de plus de 100 000 francs, un crime, ils ont pris la fuite en auto, a été commis plusieurs matins sur les passants qui les poursuivaient. Dans un des quartiers les plus animés de Paris, l'audace des malfaiteurs dépasse l'imagination. Tout un quartier de Paris a été mis hier matin dans un émoi 22 décembre 1911. Un acte de banditisme exécuté avec une hardiesse déconcertante. Le Petit Journal, 22 décembre 1911. La bande à Bono a été un tel traumatisme au moment où les hold-up et les crimes sont commis. On en a tellement parlé. C'est un paroxysme vraiment de la violence belle époque, de l'anarchisme belle époque, de l'illégalisme belle époque. Dominique Khalifa. À un moment où les questions de sécurité publique ne quittent pas en fait le devant de la scène publique et le devant des journaux. Et donc, je crois que personne ne peut, en 1912, ne peut ignorer cette espèce d'immense événement qu'a été l'affaire Bono. Leurs photos apparaissaient dans toutes les premières pages des journaux. Je ne sais plus quel journaliste écrit ça. Ils ont fusillé les passants en quittant la rue Ordener, je crois. Et puis, l'audace de ces malfaiteurs. Et puis, par ailleurs, l'illégalisme anarchiste inquiète beaucoup. Là, de voir des petits groupes d'hommes prêts à tout, reprenant en quelque sorte les agissements des apaches ou des délinquants pour mener à bien des actions comme ça, utilisant tous les moyens modernes, des voitures, des Browning, se mettre comme ça à terroriser le quartier, ou qu'ils aillent égorger des braves rentiers comme dans l'affaire de Thiers. Donc oui, ça a été quand même la grande affaire médiatique de la fin de la séquence. Attentat de la rue Ordener. L'enquête à Dieppe. Le juge d'instruction du parquet de Dieppe a télégraphié hier matin à M. Hamar, chef de la sûreté, pour l'informer qu'il venait d'interroger le capitaine du paquebot France, faisant les le service qui ont assassiné le caissier de la Société à bord Générale, on pensait qu'ils abandonnaient leur auto à Dieppe prendre place. On identifie la voiture, journal, 24 décembre, mais les assassins. Aucune trace d'eux, ni en France, ni en Angleterre. Les dévaliseurs, assassins de la rue Ordener. Il paraît à peu près certain que l'abandon de l'auto à Dieppe n'avait d'autre but que d'égarer la police. Le matin, 25 décembre 1911. les policiers progressent hein, quand même, grâce aux lettres de dénonciation, grâce à certaines connexions qui sont faites par croisement entre les différents protagonistes. Et puis, ils vont être mis sur la piste d'un certain Eugène Dieudonné. Frédéric Lavignette. Donc, on fait une planque dans un quartier de Batignolles, précisément autour du 47 de la rue Nollet, où il s'est installé dans un hôtel meublé. Et puis, lorsqu'il sort de ce bâtiment, les flics lui tombent dessus et le fouillent. Et on trouve deux revolvers Browning chargés chacun de 8 balles et un casse-tête en caoutchouc. Eugène Dieudonné, à l'époque des fêtes, a 28 ans et il rencontre sa femme assez tôt, aux alentours de, je crois, 1906. Et ils se marient, ils ont un enfant. Et Dieudonné, qui est menuisier, est plutôt socialiste au tout début. Et puis, comme il trouve qu'il est assez mal payé lorsqu'il rentre en apprentissage, il commence à militer dans les syndicats, à observer. Et peu à peu, il en vient à pencher pour l'anarchisme. C'est généralement d'ailleurs la trajectoire qui se produit. On est socialiste, on devient syndicaliste et puis anarchiste. Donc il va être arrêté très rapidement dès les débuts de l'enquête. Sophie Desmoulins. Pourtant, sur la foi de témoignages assez discutables, le garçon de recette sur lequel on a tiré donc rue Ordener, Kaby, l'a reconnu, mais après avoir reconnu deux autres coupables. Et puis par la suite, Dieudonné va être disculpé par Bono lui-même, par d'autres membres de la bande à Bono, Garnier, Calmant. Et malgré tout, il va être condamné lors du procès en février 1913. Condamné à mort dans un premier temps, puis gracié à la veille de l'exécution des complices de Bono, Dieudonné va obtenir la grâce de Poincaré. Donc il échappe de peu à la peine capitale, mais il se voit condamné aux travaux forcés à perpétuité. Messieurs la cour, messieurs, voulez-vous prendre la parole sur l'application de la peine? La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, vous condamne à 20 ans de travaux forcés. Là, j'ai cette carte postale où on voit l'embarquement des forçats de la bande tragique sur le ponton donnant accès aux vapeurs transport pour la citadelle de Saint-Martin-de-Ré. Donc très certainement, là, on doit être à La Rochelle. Ils doivent monter sur le vapeur qui va les mener au pénitencier. Et d'après ses mémoires, Eugène Dieudonné, donc il reste quelques temps là. Il trouve que d'ailleurs, ses conditions de détention sont bien pires qu'à la santé. Et à partir de là, il va prendre un bateau direction la Guyane. Le bateau s'appelle la Loire, qui va le conduire au bout d'un long voyage vers une île bien plus hostile. La Loire a quitté la falaise. Maintenant tout est bien fini. On s'en va vers le Maroni, où les requins font la police. On est sans nom, on n'est plus rien. La loi nous chasse de la ville. On n'est plus qu'un troupeau de chiens qu'on mène crever dans une île. Mais alors apparaît la pelle, la faim, la lèpre, le cachot, le coup de poing des pays chauds. Notre enquête au bagne. Une visite au cachot de l'île Saint-Joseph par Albert Londres. Il était 5 heures de l'après-midi quand j'arrivais dans la cour. Les corvées étaient rentrées. Le matricule 45-1903, une figure de noyé, grelottait dans une voiture à bras. À côté de lui, Le 42708 lui caressait doucement les doigts qu'il avait bagués de tatouages. On me conduisit dans les locaux. D'abord, je fis un pas en arrière. Je n'avais encore jamais vu d'homme en cage par cinquantaine. Nus du torse pour la plupart, car j'ai oublié de dire que s'il ne fait pas tout à fait aussi chaud qu'en enfer à la Guyane, il y fait plus lourd. Torse et bras étaient illustrés. Les zéphyrs, ceux qui proviennent des Baddaf, méritaient d'être mis sous vitrine. L'un était tatoué de la tête aux doigts de pied. Tout le vocabulaire de la canaille malheureuse s'étalait sur ses peaux. Enfant de misère, pas de chance, ni dieu ni maître, innocent, vaincu, non dompté, et les inscriptions obscènes à se croire dans une Vespasienne. Celui-là, chauve, s'était fait tatouer une perruque avec une impeccable raie au milieu. Chez un autre, c'était des lunettes. C'est le premier à qui je trouvais quelque chose à dire. Il y a eu des reportages sur le bagne. Jacques Dur était allé non pas en Guyane, mais en Nouvelle-Calédonie. Il en avait reporté des images et des récits terrifiants. Et puis surtout, on avait vu des reportages sur les bagnes militaires, hein, en Algérie essentiellement. Donc c'est pas la première fois. Mais c'est évidemment au lendemain de la Grande Guerre que le... Dominique Khalifa. Cette espèce d'extraordinaire essor des reportages sur le bagne prend toute sa dimension, avec celui de Londres, bien sûr, dans le Petit Parisien, mais il y en a des dizaines d'autres à l'époque, hein, dans d'autres journaux, dans les hebdomadaires qui ont commencé à se développer un petit peu plus tard, Détective, Police Magazine, etc. On rentre dans une séquence qui va durer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, de reportages ou de romans, reportages parfois, hein, là, quasiment non-stop sur l'affaire du bagne. Mais Londres est sans doute effectivement le premier grand reportage. Donc c'est à ce moment-là, finalement, Sophie Desmoulins, en se rendant donc au bagne, qu'Albert Londe va rencontrer Dieudonné et lui consacrer un article à part entière dans sa série. Il a déjà une très bonne expérience du reportage, puisqu'il a été reporter de guerre. Donc dès 1914, il est envoyé au front. D'abord en France, puis en Orient. Donc il va couvrir les 4 années de guerre de la Première Guerre mondiale. Et c'est là, véritablement, qu'il va forger son expérience de grand reporter. Et en rentrant, donc, il continue finalement son travail, en partant notamment en Russie, pour un reportage inédit. Hein. C'est l'un des premiers reporters à pouvoir entrer en Russie rouge. Il va également faire un grand reportage pour Excelsior sur le Japon, la Chine et d'autres pays asiatiques. Donc il a déjà une bonne expérience du reportage, mais c'est vraiment en 1923, avec son arrivée au Petit Parisien, qui est le quotidien dominant de la presse industrielle à l'époque, qu'il va acquérir la vraie notoriété. Notre enquête au bagne. Une entrevue avec Dieudonné de la bande à Bono par Albert Londres. Le Petit Parisien, 18 août 1923. À la porte d'une cellule, un nom. Dieudonné. Il fait sa peine pour sa seconde évasion. On n'ouvrit pas la porte, mais le guichet. Une tête apparut comme dans une lunette de guillotine. Il était forcé de se courber beaucoup. Sa voix était coupée. Et c'est affreux de ne parler qu'à une tête. Je priai d'ouvrir, on ouvrit. J'entrai dans le cachot. Son cachot n'était pas tout à fait noir. Dieudonné jouissait d'une petite faveur. En se mettant dans le rayon du jour, on y voyait même assez pour lire. Il avait des livres, le Mercure de France, et de quoi écrire. C'est des règlements que nous souffrons affreusement. On ne doit pas parler, mais il est rare que l'on nous punisse d'abord. On nous avertit. À la troisième, à la quatrième fois, le règlement joue, évidemment. Mais ce qu'il y a de pire, d'infernal, c'est le milieu. Les mœurs y sont scandaleuses. On se croirait transporté dans un monde où l'immoralité serait la loi. Il faut dépenser toute son énergie à se soustraire au mal. Aucun espoir n'est en vue, et je ne suis pourtant pas un désespéré. Je travaille. J'ai été écrasé parce que j'étais de la bande à Bono, et cela sans justice. J'ai trouvé plus de justice dans l'accomplissement du châtiment que dans l'arrêt. J'avais un petit-fils. Il m'écrit plus.

de racheter la virginité des journaux et de compenser Dominique Khalifa. Le déclin relatif et progressif du roman feuilleton. Parce que lui aussi va être fait avec une, dans le récit, avec des à suivre. Et effectivement, ce genre, qui n'est pas du tout un genre nouveau, prend un grand essor dans les lendemains de la Grande Guerre, avec aussi le désir de créer quelque chose de nouveau qui abattrait, ça ne marche pas, mais on y croit un moment, les cloisons entre la littérature et le journaliste, capable de créer une espèce de genre hybride, de genre nouveau, médiatico-littéraire. Et de fait, effectivement, ils vont tous être publiés en volume. Albin Michel va créer une collection qui s'appelle Les Grands Reportages, c'est d'ailleurs là que Londres est publié, etc., etc. Donc c'est vraiment un des instruments de relégitimation du discours journalistique. Et du journaliste. Eh ben oui, il est au service de tous, il défend une cause, il porte la plume dans la plaie, comme le dira Londres. C'est le chevalier blanc du nouveau journalisme, alors que ceux d'avant, on les avait un peu chargés, et souvent, effectivement, beaucoup s'étaient caractérisés par des pratiques parfois limites. Alors, autant le grand reportage ne va pas vraiment sauver le quotidien, en revanche, oui, le journaliste reporter va acquérir ses lettres de noblesse et, dans cet entre-deux-guerres, devenir effectivement une figure extrêmement valorisée, une des figures nouvelles de l'héroïsme au service de la nation. Les reporters eux-mêmes qui vont sur le terrain se mettent en scène. Ils parlent à la première personne du singulier. Ils disent « j'ai vu et je vais voir pour vous ». Et donc ça donne, contrairement au roman feuilleton, quelque chose qui ressemble à de la vérité, de la vraie information. Christian Delporte. Le grand reportage tient à la fois de la révélation, du choc, donc il y a un côté émotionnel. C'est de la vraie information, mais c'est également du récit d'aventure où aussi on va dénoncer les scandales, et c'est ce que fait Albert Londres avec Le Bagne. Ce qui caractérise le texte de Londres et le reportage de Londres par rapport à ses prédécesseurs ou à ses devancés, c'est qu'il invente une forme quand même, il invente une forme qui est assez caractéristique, une façon effectivement de dire les choses sans les dire, de ne jamais rentrer dans l'outrance, de jamais forcer la note ni scabreuse, ni atroce, ni dans l'autre sens. Et il a une certaine façon de manier l'euphémisme et la métaphore qui marche. Et quand il est militant, c'est pour des causes consensuelles et généralistes. Et ça correspond exactement à ce que les journaux veulent. La grande frayeur d'un journal populaire, c'est-à-dire d'un journal qui veut vendre à tout le monde, c'est d'avoir un propos qui l'oriente trop dans un camp ou dans une idéologie ou dans l'autre. Avec un reportage comme ceux de Londres sur Le Bagne, ou ceux qui vont suivre, on ne prend pas de risque. Londres n'a jamais dit qu'il fallait abandonner les formes de répression pénale. Il dit simplement que celle-là n'est pas possible. Il garde une certaine mesure et il joue sur une carte qui est particulièrement subtile et particulièrement efficace. Transportés sont coiffés uniformément du bonnet réglementaire. Leur vie n'est plus à eux. Rayés du nombre des hommes, ils ne sont plus qu'un numéro. Je rêve encore chaque nuit de ce voyage au bagne. C'est un temps que j'ai passé hors la vie. Pendant un mois, j'ai regardé les 100 spectacles de cet enfer, et maintenant ce sont eux qui me regardent. Je les revois devant mes yeux, un par un. Et subitement, tous se rassemblent et grouillent de nouveau comme un affreux nid de serpent. Assassins, voleurs, traîtres, vous avez fait votre sort, mais votre sort est épouvantable. Justice, tu n'étais guère jusqu'à ce jour pour moi que la résonance d'un mot. Tu deviens une déesse dont je ne soutiens plus le regard. Heureuses les âmes droites, certaines dans le domaine du châtiment, de donner à chacun ce qui lui appartient. Ma conscience est moins sûre de ses lumières. Dorénavant, si l'on me demande d'être juré, je répondrai non. Des Des grands reporters, il n'y en a pas énormément. Hein. Il y en a sur la place de Paris, il y en a entre 50 et 100. Christian Delporte. Ils sont très bien payés, les grands reporters. Ils sont payés peut-être pas au niveau d'un rédacteur en chef, mais d'un rédacteur en chef adjoint. Et puis surtout, ces grands reporters, ils ont l'indépendance. Alors, c'est ce qui coûte le plus cher, le grand reportage, dans une rédaction. Grosso modo, pour le Petit Parisien, au tout début des années 30, le grand reportage, ça coûte 30% de l'investissement salarial dans la rédaction, ce qui est tout à fait considérable. Et c'est vrai que le voyage se prépare pendant des semaines, et puis il va partir plusieurs semaines, plusieurs mois, ou comme Albert Londres, jusqu'à un an, et donner régulièrement, ou plus ou moins régulièrement, des papiers à la rédaction. Donc, c'est l'indépendance. C'est une vie qui n'est pas mauvaise. Ils prennent l'avion, ils vont... Le bateau aussi, le bateau, hein, là, quand même. Beaucoup, oui. Ils fréquentent les paquebots, ils débarquent dans les plus beaux hôtels. Alors après, ça se précarise lorsqu'ils sont sur le terrain. Mais ils donnent du coup une image à l'ensemble de la profession qui est extrêmement enviable. Le Petit Parisien, 30 mars 1927. Dieudonné, qui donna l'hospitalité au bandit Bonneau, s'est évadé du bagne. Condamné à mort, sa peine avait été commuée en celle des travaux forcés à perpétuité. Le Petit Journal, 30 mars 1927. Évasion du bagne de Dieudonné. Cayenne, 29 mars. Eugène Dieudonné, l'un des membres de la bande à Bonneau, condamné au bagne par le jury de la Seine et qui se trouvait depuis 1913 au pénitencier des Îles du Salut, s'est évadé. Bagne où il était L'Excelsior, 30 mars 1927. Est-il mort noyé en s'enfuyant de la Guyane ou a-t-il réussi à gagner le Brésil? Telle est la nouvelle qui s'est répandue hier et le ministère des colonies l'a confirmée en précisant simplement que l'évasion remontait au 6 décembre dernier. Monsieur Marcel Kahn, secrétaire de Maître Moreau Giaferi, qui défendit Dieudonné devant les assises de la Seine, nous a déclaré que d'après des renseignements parvenus de sources privées à la famille, Dieudonné serait mort en s'évadant. Il a dû vraisemblablement se noyer en s'enfuyant soit à la nage, soit dans une primitive embarcation. Alors que certaines personnes en relation avec la famille de Dieudonné estiment que le condamné a dû réussir à gagner le Brésil, d'autres affirment qu'il s'est noyé en s'enfuyant du pénitencier des Îles du Salut, tué par les gardes Chiourme, tirant sur le fuyard déjà en mer, et son corps aura coulé à pic. Ce qui est certain, c'est que Dieudonné est officiellement porté comme disparu du bagne. Le Petit Parisien, 30 mars 1927. Et dans la forêt solennelle, où la mort sonne à chaque pas, même quand que tu ne viens pas, c'est toi qu'on adore la tête. C'est vraiment cette évasion qui va devenir l'élément déclencheur d'une bataille médiatique entre les quotidiens. Alors, bataille médiatique, ça veut dire quoi, Sophie Desmoulins ? Alors, c'est-à-dire que on est dans un contexte de concurrence accrue entre les grands quotidiens nationaux que sont le Petit Parisien, le Matin, le Journal, le Petit Journal. Paris Soir commence à entrer dans la cour des grands, mais on est encore loin du succès qu'il va obtenir dans les années 30. Donc c'est vraiment ces quatre grands d'abord qui finalement rivalisent et doivent faire face à une certaine mobilité du lectorat. Donc chacun essaie, avec des stratégies différentes, d'attirer le public et de finalement d'acquérir ce public de masse dont il a besoin. Tous ont un petit peu la même ligne, hein, une ligne unanimiste finalement, mais les stratégies vont être différentes. Alors si on prend le cas du traitement de l'évasion par exemple de Dieudonné, tous vont par exemple se livrer au jeu des hypothèses et des diagnostics hein, pour stimuler la curiosité du lecteur. Ils vont aussi utiliser la surenchère évidemment. Mais on a par exemple le Petit Parisien qui lui d'emblée va rappeler son engagement aux côtés de Dieudonné et le reportage d'Albert Londres en 1923. Donc il va d'emblée rappeler cette forme de primauté sur ses concurrents. On a par exemple Paris Soir qui, lui, va carrément prendre parti explicitement pour Eugène Dieudonné en promouvant le comité de soutien qui vient de se former. Donc là, on a une démarche un peu plus militante, on va dire, de la part de Paris Soir et une prise de parti explicite pour Eugène Dieudonné. chacun va finalement entretenir le suspense. Donc le suspense, c'est vraiment une stratégie narrative qui consiste à décupler l'impatience du lecteur. Donc l'impatience du lecteur, elle est réelle parce qu'on a vraiment une issue incertaine. On ne sait pas si Dieudonné, après son évasion, est encore en vie. Mais les questionnements des journalistes, leurs hypothèses vont justement décupler ce sentiment d'incomplétude, cette impatience, cet effet d'attente ressenti par le lecteur. Et ils vont véritablement solliciter de manière à la fois affective et cognitive le lecteur de l'époque. Nous étions partis à 7 de Cayenne, empirant du vers le Brésil. Le cinquième jour, nous avions fait naufrage. Dans la nuit, nous nous sommes dirigés à tâtons vers la côte. Au bout d'une heure de ce travail, nous avons atteint un banc de vase, un immense banc de vase d'un kilomètre. Eugène Dieudonné. Là, il n'était plus question de nager. Nous nous sommes accroupis, nous avons avancé en jouant des coudes et des genoux pour ne pas être avalés. Au bout de plusieurs heures de ce travail de nuit, nous avons enfin accosté dans les palétuviers. Nous avons passé le restant de la nuit perchés sur des tas de bois morts. D'autres qui sont partis par la brousse, les pieds déchiquetés, sont morts de faim et de soif et ont été dévorés par les fourmis. Il n'en reste plus que leurs os blanchis dans le désert de la soif. Donc à partir du moment où on sait que Dieudonné n'est pas mort, donc ça c'est en juin 1927, la nouvelle tombe, il a été arrêté au Brésil, donc il n'est pas décédé, il est en vie. Là, on va vraiment exploiter en fait l'erreur judiciaire et jouer à la fois sur la tension narrative, sur le suspense et sur l'émotion du lecteur. Donc à ce moment-là, finalement, on va assister à une bataille médiatique et surtout à une campagne de soutien de la part des grands journaux, qui vont chacun s'engager en faveur de Dieudonné de manière différente. Donc on a par exemple le Petit Parisien, toujours avec Albert Londres, qui va vraiment proposer un plaidoyer pro domo, qui va construire une figure d'innocent autour de Dieudonné, donc le présenter comme un modèle, comme un exemple, qui est même défendu par l'administration pénitentiaire. On a Paris Soir, avec les articles d'Alexis Danan, réaffirmé son engagement et suscité l'indignation du public. Et puis on a une autre stratégie qui est adoptée par le journal et son grand reporter Geo London, qui fait aussi partie des vedettes du grand reportage à l'époque, qui lui va plutôt jouer la corde du pathos. Donc interviewer la femme de Dieudonné, alors là, c'est l'épouse éplorée hein, qui l'attend depuis des années, qui est pâle, qui a les yeux douloureux. Donc on joue vraiment cette carte-là, celle de la pitié du lecteur, pour justement faciliter aussi l'identification du lecteur à la situation d'Eugène Dieudonné. Surtout, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que Dieudonné s'évade. Et alors, l'évasion du bagne, c'est à la fois un lieu commun, un stéréotype. On dit on va au bagne pour s'évader, mais enfin, en même temps, c'est loin d'être une partie de plaisir. Dominique Khalifa. La plupart des évadés, ils meurent, enfin, soit ils sont rattrapés, soit ils meurent, soit ils sont. On ne les retrouve pas, ils sont noyés, dévorés par des animaux, des serpents, etc. Or, Dieudonné, il réussit. Qu'il ait réussi au bout du compte, qu'il ait réussi cet exploit quand même de s'évader du bagne, à un moment où il lui restait plus tellement de peine à purger, et compte tenu de tout ce qu'on a dit auparavant sur lui, bah ça va quand même en faire une figure sympathique et peut-être trop forte, mais en tout cas qui mérite qu'on lui accorde de la place, qu'on s'interroge sur lui, d'autant plus qu'effectivement que ce qu'il va dire sur le bagne est terrible, et conforte, consolide ce qu'on savait par ailleurs. Donc là, pour Londres et pour son propos, c'est pas béni, hein. Donc on est après l'été 1927 où Sophie Desmoulins. On est dans une situation de blocage, c'est-à-dire que on sait que les autorités sont plutôt disposées à gracier Dieudonné, on sait que l'opinion publique est acquise à sa cause, hein, la campagne autour de sa réhabilitation a eu lieu, et puis au cours de l'été, au 10 mois d'août, plus de nouvelles. Les tergiversations de l'administration font que finalement la situation est bloquée et la presse n'a pas de nouvelles à annoncer à propos de cette affaire. Et tout d'un coup, coup de théâtre, donc le 29 septembre 1927, à la une du Petit Parisien, à la Tribune, on a cet article intitulé « J'ai retrouvé Dieudonné, le bagnard innocent et évadé par Albert Londres ». Donc ça veut dire que dans le plus grand secret, le Petit Parisien a chargé Albert Londres d'aller rencontrer l'homme au Brésil et de recueillir des nouvelles fraîches et finalement des ce qu'on appelle des choses vues et également des choses entendues puisqu'il va interviewer directement Eugène Dieudonné. Dieudonné retrouvé par Albert Londres, 29 septembre 1929. L'ancien forçat vit maintenant librement au Brésil, sous la sauvegarde de la police qui n'a plus pour lui que d'excellents procédés. J'ai retrouvé Dieudonné. Cela eut lieu l'autre matin sur le quai de Rio de Janeiro. À vrai dire, ce ne fut pas tout à fait un hasard. Il m'attendait sans trop oser le croire. Je le cherchais sans grande assurance. On l'avait déjà transporté de Para à Rio, mis en prison, relâché, repris. C'est fait d'un commun accord entre Albert Londres et Élie-Joseph Bois, qui est le rédacteur en chef du Petit Parisien, qui décide en fait cette intervention, qui va devenir, et c'est là que c'est intéressant, un événement dans l'événement finalement. Sophie Desmoulins. Puisque Albert Londres, par son intervention aux côtés d'Eugène Dieudonné, interfère véritablement dans l'actualité pour devenir le protagoniste d'un nouvel événement. Déjà, on le voit dans la syntaxe, finalement, des titres. J'ai retrouvé Dieudonné. On voit bien qu'il se place en position sujet, qu'il met Dieudonné en position d'objet. Ce qui est très malin aussi, c'est qu'il fait parler Eugène Dieudonné et que lui-même dit « Le Petit Parisien vient me chercher ». Donc on voit bien qu'Albert Londres et le Petit Parisien sont les sujets de ce nouvel événement et que Dieudonné, lui, devient finalement l'objet. Et puis on a aussi Albert Londres qui s'impose vraiment comme acteur à part entière en s'adressant au discours direct et à l'impératif aux ministres français hein, pour leur demander d'achever leur œuvre et de libérer Dieudonné une bonne fois pour toutes. Et c'est là qu'on a aussi la photo de Séverine. Séverine donc, qui s'est engagée aux côtés de Dreyfus, qui s'est aussi fait connaître pour d'autres campagnes de solidarité. La photo de Séverine qui apparaît à la une du Petit Parisien. Et qui, une nouvelle fois, crée un rapprochement entre l'affaire Dieudonné et l'affaire Dreyfus. Et à partir de là, Albert Londres va véritablement être consacré sous les traits du redresseur de tort. Londres va s'inscrire dans cette filiation des écrivains intellectuels engagés. Et Dieudonné lui-même, d'ailleurs, le remercie dans Le Petit Parisien. Donc là encore, hein, c'est Le Petit Parisien qui retranscrit les propos de Dieudonné. Dieudonné qui qualifie Albert Londres d'ami des malheureux. Donc à partir de là, Albert Londres, c'est vraiment le défenseur des opprimés, le journaliste redresseur de tort. Il avait déjà cette réputation avec ses reportages précédents, mais je crois que c'est vraiment l'affaire Dieudonné qui va sceller cette figure d'Albert Londres sous les traits du redresseur de tort. À Albert Long, qui a une très grosse réputation à ce moment-là, est une sorte, on dirait aujourd'hui, d'influenceur. Et donc, Christian Delporte. Il pèse sur l'opinion publique, et c'est à travers cette opinion publique que le pouvoir politique réagit, est obligé de réagir. Cette enquête, après la mort d'Albert Long, va déboucher d'abord sur une révision du statut du bagne en 1938, avant l'abolition du bagne en 1953. Donc c'est un moment tout à fait clé, et ça montre bien surtout la relation entre le journaliste et l'opinion publique pour faire pression sur le pouvoir politique. Ce qui signifie également qu'il y a des journalistes connus, qu'il y a des journalistes célèbres, dont la voix porte, et qui sont au même niveau, qui appartiennent au milieu intellectuel. Ce sont des intellectuels qui font pression sur le pouvoir politique. Et parfois ça marche. On est à un moment où les États-Unis, par exemple, on voit avoir un discours extrêmement négatif et extrêmement... Dominique Khalifa. Concret et dur sur ce qui se passe en Guyane française. Dieudonné arrive au bon moment, surtout avec ses trois caractères principaux. Il est sans doute innocent, il a vécu au bagne et il s'est évadé. Donc, il a tout pour incarner en quelque sorte la nécessaire abolition qui passe pour lui par d'abord la réhabilitation personnelle. Dieudonné va débarquer avec Albert Long. Sophie Desmoulins. Donc l'affaire va être suivie de très près par le Petit Parisien qui dépêche un autre reporter sur les lieux, donc Raymond Denis. Ce qui prouve bien finalement que Albert Long ne peut pas raconter cette affaire dont il est désormais le héros. Donc on a un autre reporter qui va raconter son arrivée et qui va soigner tout particulièrement l'image philanthrope du Petit Parisien. Donc il y a des extraits très intéressants où on voit comment il exploite finalement le motif des retrouvailles familiales. On a à la fois l'épouse de Dieudonné, son fils, qu'on fait parler d'ailleurs, dont on retranscrit les propos au discours direct. Pierrot, Pierrot, exactement, voilà, donc qui remercie, qui dit à Albert Long, vous m'avez ramené mon papa, c'est un bon papa, il me plaît mon père. Donc on voit que l'emploi du discours direct permet au lecteur d'entendre une voix enfantine qu'on va associer à la candeur, à l'authenticité, et qui elle-même va finalement faire d'Albert Long un héros. Et également les photographiques qui montrent clairement Albert Long et Dieudonné débarquer à Marseille. Et si on regarde bien, on voit qu'Albert Long est légèrement en avant par rapport à Eugène Dieudonné, ce qui montre bien qu'il est devenu finalement le protagoniste de cet événement fabriqué de toutes pièces. Alors, et ça ne se finit pas là, en fait, Sophie Desmoulins, parce qu'on pourrait croire que c'est la fin de l'histoire, Dieudonné est libéré, Albert Long l'a ramené, mais en fait, voilà, le Petit Parisien continue à exploiter le filon, d'une certaine manière, exactement, de l'histoire. Exactement. Donc on peut dire que déjà, le Petit Parisien a fait coup double, il s'est, en s'appropriant l'issue, finalement, de l'affaire Dieudonné, il s'est assuré un succès massif, il a soigné son image de marque et celle d'Albert Long, mais en plus, il va proposer, dans les semaines qui suivent, un autre reportage d'Albert Long, donc cette fois une longue série de 19 épisodes, qui va inviter le lecteur à découvrir l'affaire Dieudonné de l'intérieur. Donc c'est finalement le récit de son évasion, et l'interview d'Albert Long dès qu'il arrive au Brésil. Donc une série qui va paraître à partir du 7 novembre et jusqu'au 26 novembre en 1927, qui ressemble davantage au grand reportage habituel d'Albert Long, c'est-à-dire une série qui s'étend sur le long terme, qui paraît tous les jours, et qui va raconter voilà toute l'affaire vue et vécue par Albert Long. Donc il va inviter le public à pénétrer dans les coulisses, finalement, dans l'intimité du drame qu'il a suivi en direct quelques semaines avant. Du bagne à la grâce. Les émouvantes péripéties de l'évasion de Dieudonné. Notre collaborateur Albert Long commencera demain le récit des aventures tragiques qui mènent le forçat innocent de la Guyane au Brésil jusqu'à Paris. Le Petit Parisien, 6 novembre 1927. Enfin, Dieudonné, que faisiez-vous dans la bande à Bonneau ? Le Petit Parisien, 7 novembre 1927. Où Dieudonné, sa peine réduite, décide quand même de s'évader. Comment Dieudonné a préparé son évasion ? Le Petit Parisien, 8 novembre 1927. L'évasion et ses dramatiques péripéties. après avoir échappé à l'enlisement, Dieudonné et ses compagnons sombrent avec leur pirogue. Le Petit Parisien, 11 novembre 1927. L'affaire Eugène Dieudonné ou la fabrication d'un événement médiatique avec Christian Delporte, Sophie Desmoulins, Dominique Khalifa et Frédéric Lavignette. Merci à Franck Sénateur. Extrait du film Autour d'une évasion de Jacques Brunius. Chanson La Belle, la complainte des forçats, écrite par Albert Londres et mise en musique par Jean Lenoir. Texte lu par Thierry Beauchamp et Anne Stephens. Prise de son, Audrey Guélil et Thibaut Nassim Ben. Mixage, Philippe Mercher. L'affaire Eugène Dieudonné ou la fabrication d'un événement médiatique, un documentaire de Séverin Liattard, réalisé par Thomas Duterre. Comme d'habitude, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en allant sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est FabriqueFC. FabriqueFC. Demain, nous vous parlerons du contrôle de l'information par les cours royales au moment des morts des rois, en particulier au XVIIe siècle.